soyez tous salués et d'ici là, portez-vous très bien. Merci une fois de plus pour tous ceux qui sont abonnés dans mes forums, pour tous ceux qui suivent mes enseignements. Et je respecte l'anonymat de beaucoup d'entre eux. Tous ceux qui de loin et de près se sont toujours intéressés à ce que je fais et qui se sont confiés à moi pour résoudre certains de leurs problèmes. Tous ces, je dis merci également à ceux qui m'ont donné la confiance lors des consultations. Parce qu'il y a beaucoup de personnes à qui je fais des consultations et qui sont satisfaits de leur travail. Je viens ici juste pour vous dire que le mouvement que nous avons créé a pris une bonne tournure. Et tout mouvement, vous savez, ne peut pas avancer sans conséquences, que ce soit des conséquences positives ou négatives. Et c'est ainsi que nous avons eu des cas tristes. C'est un jour de silence, mais j'ai été perturbé depuis 2 heures du matin. Vous pouvez peut-être pas le constater sur mon visage, je n'ai pas du tout dormi pendant 24 heures. C'est triste que ceci arrive. Mes forums, il y en a 2019 abonnés. C'est toute une grande famille dont je suis le seul père spirituel. Je le répète que je suis le seul père spirituel. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres personnes qui sont des initiés. Particulièrement mon pays, le Gabon, je le soutiens. D'au moins 29 initiés, du Bouiti, de toutes formes de Bouiti, hein, que ce soit d'Izumba, que ce soit Ngondé, Mioba, et tous les autres formes de Bouiti. J'ai également des mamans qui sont dans le Djembe, j'ai des frères qui sont dans le Njobi. Tous me soutiennent. Ils me soutiennent, ils prient pour moi et travaillent avec moi dans l'ombre. Ils m'ont dit, voilà, c'est toi le porte-parole. Parle, parle pour nous, mais fais attention sur ce que tu dois dire. Ne dis pas certaines choses. Et c'est ainsi que je respecte ces consignes. J'ai également des frères marabouts, comme je lis dans les forums. Je ne veux pas vous dire le nombre, ça intéresse peu. Parce que si je vous disais le nombre, vous allez me dire, mais comment, vous êtes un président? Parce que je vous signale qu'il y a au moins une soixantaine de marabouts autour de moi. Ces frères marabouts, et je crois qu'il y a 7 femmes, qui sont dans des rites du Burkina Faso, des rites secrets, et du Bénin, qui sont dans le Vaudou. Ces frères qui sont des vrais marabouts, pas des faux, se sont volontairement présentés à moi pour pouvoir me soutenir dans ce travail que je fais. Un travail où je ne suis pas rémunéré. Et aussi, pour récompenser ces frères et sœurs marabouts, il y a certains à qui je confie des travaux durs. Par exemple, quand il s'agit d'aller dans des cimetières, par exemple en Afrique, moi je ne suis pas là-bas. Et ce sont ces frères marabouts-là qui se déplacent en lieu et place auprès des clients pour qui j'ai des cas très difficiles. Mais leur rôle principal, c'est de travailler pour moi, pour ma protection, tant dans le plan physique et le plan spirituel. J'ai dit bien, ils se sont portés volontaires pour travailler pour moi. Donc, ceci était très important d'apporter cette information au public. Eh bien, je suis victime d'arnaque. Quand je dis je suis parce que, et moi, et mon administratrice qui travaille dans l'ombre, en 2018, nous avons eu l'initiative de vouloir mettre en place des forums. Et ceci vit le jour en juin 2019, précisément. Donc, depuis juin 2019, on est parti de 53 membres à 2019 membres aujourd'hui. Je ne peux pas avancer et je ne peux point parler ici sans pourtant dire merci à cette maman. Je ne veux pas citer son nom, mais tout le monde la connaît. Tous les anciens membres connaissent. Pour le moment, elle est dans l'ombre. Elle a beaucoup travaillé. Elle a contribué. Quand vous voyez la première vidéothèque que vous avez à votre portée, c'est elle qui l'avait faite. Elle fait beaucoup de choses. Donc, je ne peux pas être égoïste pour ne pas dire que c'est grâce à elle, parce que j'avais lancé un appel au cours d'un live en 2019. Qui devrais-je envoyer? Qui enverrais-je? Ou qui a une idée ici pour que ces connaissances soient scellées quelque part, en dehors des vidéos? Elle s'est levée, elle a dit, moi, je vais te donner une idée, papa. Elle m'a appelé en privé. J'ai fait un voyage. Je suis allé chez elle. Elle est avec moi ici aux États-Unis, mais on est dans deux États différents. Bref, pour vous dire que nous avons eu cette idée-là, c'est parce que nous avons de l'amour pour notre peuple kémite. Mais on est parti de 53 jusqu'en 2019 personnes aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu une grande évolution. Et nous sommes toujours en train de travailler dessus. Les séminaires, conférences sont en préparation. C'est vrai qu'en 2020, je suis allé tout seul. Nous avons appris à partir de certaines erreurs. Mais je vous rassure que, en dehors de peut-être 2% ou 3% des ratés, tout s'est passé très bien. Les gens étaient trop contents. Le nombre de personnes, malheureusement, n'était pas celui que nous attendions. Parce que, souvenez-vous, c'était lorsque les gilets jaunes étaient en grève. Donc, les circulations. Je me regrettais ce jour d'avoir voyagé sur Paris parce que toute la France bougeait. Surtout les jeudis. Tout était dans l'ordre. Bref. Les séminaires, conférences sont en préparation. C'est en cours. Parce que ça, c'est l'une des grandes opportunités où je fais passer des grandes connaissances pratiques, où je donne mes secrets, où je fais des rites initiatiques. Ici, c'est juste des enseignements. Je partage des connaissances pour mon peuple kémite. Ce peuple kémite peut être embrigadé dans une religion quelconque, mais cela ne vous donne pas le droit de venir raconter n'importe quoi sur mes enseignements, parlant de mes frères chrétiens surtout. Quand ça ne vous plaît pas, prenez votre chemin. Mais si vous venez suivre et que vous trouvez quelque chose de beau à vouloir appliquer dans vos vies, faites-le. Donc, je tenais seulement à venir vous dire ceci, que effectivement, je suis victime d'arnaque. Quand je dis « je », parce que c'est mon esprit qui est en jeu. Les gens ont osé voler mes photos. Mes photos de profil, on les fait circuler auprès de certains membres des forums, soi-disant que, voilà. Et les numéros qu'on a découverts, vous allez écouter l'audio. J'ai fait une audio dans les forums. Ils sont une dizaine d'arnaqueurs. Aucun Gabonais. J'épargne mon pays d'origine où je suis né. Aucun Américain. Le pays qui m'a accepté et qui m'a adopté depuis 2008. Mais j'ai cité les pays. Il y en a 10 arnaqueurs. Mes frères, vous qui arnaquez, aucune femme n'est parmi ces arnaqueurs-là. Ne jouez pas avec Mwereo Nubie. Yadouma Raya Poutoutou, Gadouma Geta Mukana Mujumburu Gindankia. Et vous connaissez ça, Gapolivier Kakambi Kakali Kewana Momba. Non, s'il vous plaît. Vous ne me connaissez pas. Détrompez-vous. Je ne fais aucune menace, mais c'est juste vous dire. On ne peut pas être au rang où je suis là, sans avoir avec soi des démons. Un véritable initié maîtrise le bien et le mal. Je vous l'ai toujours dit que je peux utiliser le mal pour triompher le bien. Je peux utiliser le mal pour préserver la véritable connaissance. Les sacrifices existent bel et bien. Et je ne veux pas, vous, chers arnaqueurs, que vous soyez ceux-là que je vais utiliser comme sacrifice. Faites très attention. Ne jouez pas avec mes enseignements. Ces enseignements ne viennent pas de moi. Ces enseignements viennent de loin. La preuve en est que, en moins de mois, il y a eu plus de 4000 abonnés. Est-ce que vous savez pourquoi il y a eu cet engouement? Savez-vous qui vous appelle pour venir suivre ces choses? Ce n'est pas moi, humble personne, Mwereo Nubie. Qui suis-je? Je n'ai aucun pouvoir à ce niveau. Mais l'honneur et la gloire, la puissance, l'élévation et le respect reviennent d'abord à Teta Mwanga, Teta Nzambe, le Dieu Tout-Puissant. Celui que vous osez insulter, vous osez vous moquer parce que je n'appartiens pas à vos religions, que vous osez... Je m'arrête ici. À lui d'abord. Et ensuite à mes ancêtres que vous ne connaissez pas. À mes génies que vous ne connaissez pas. aux esprits égrégoriques dans les 28 différents milieux, loges et autres où j'étais, que vous ne connaissez pas. J'ai choisi ce qui est beau pour venir aider le peuple et vous, vous voulez venir gaspiller. Vous volez mes enseignements, vous les vendez, vous les enregistrez. Ça circule dans la plupart des villes, la plupart des villes en Afrique, sauf le pays du, sauf au Gabon. Au Gabon, il n'y a qu'un seul homme, un seul jeune homme de 39 ans, la quarantaine révolue, qui est venu me supplier, me dit, papa, est-ce que vous allez me permettre que je télécharge vos enseignements? Je veux vraiment vivre avec ça parce que je n'ai pas un boulot. Permettez-moi que je fasse des DVD, des vidéos. Je lui ai dit, oui, mon fils. Et je lui ai mis en contact avec l'un de mes enfants qui est ingénieur en informatique. Il lui a mis la griffe de mon nom sur ces vidéos-là pour que les gens ne puissent pas faire la contrefaçon. C'est le seul au niveau du Gabon. Mais dans les autres pays, pas tous les gens utilisent mes enseignements. Certains sont allés jusqu'à écrire un livre. Amazon. L'année dernière, j'ai contacté Amazon. On a découvert et ce livre est sorti de la vente. Parce qu'il fallait que je leur donne des preuves que les rites que ces mecs-là ont écrits pour se faire de l'argent sont sortis de ceci et de cela. J'ai envoyé les audios, pour ne pas dire la vidéo, mais en audio auprès d'Amazon. Ils ont pris 3 mois avant de me répondre. J'ai mis des avocats jusqu'aujourd'hui que je paye. Je jette de l'argent dans l'eau. Parce que cette affaire-là ne doit pas finir comme ça. Je donne des enseignements gratuitement et vous, vous les prenez, vous les vendez pour vous enrichir. Et les arnaqueurs dans les forums, ils sont venus faire du désordre et depuis 2 heures du matin, je suis secoué. Et ils veulent toujours avoir les femmes parce que les femmes sont innocentes. Mais sachez-vous qu'il y a des femmes qui sont très éveillées parce que la plupart des gens qui se sont plaints auprès de moi, elles m'ont supplié, m'ont dit c'est le jour du silence, pardonne-nous papa. J'ai toutes leurs conversations avec moi. Mais je n'ai pas voulu les exposer. Parce que si vous écoutez ce qu'elles disent, ce n'est pas normal, mes frères. Voilà pourquoi l'homme noir, on n'évolue pas. Et vous vous demandez, vous êtes là sous les étiquettes de vos religions alors que vous êtes des bandits, des voyous. Vous utilisez mon nom. Prendre mon profil, aller mentir aux gens que c'est vous qui faites maintenant les consultations. Je suis le seul, l'élu de Teta Mwanga, du Vanga Vanga, sur cette chaîne vidéo, sur cette chaîne YouTube et sur ma page Facebook, le guide inconnu, et dans tous mes 4 forums, Oka Afrique, Oka Maroc, Oka France, Oka Telegram, 2019 membres. Parce que j'ai procédé à l'élimination de quelques-uns ce matin et je continuerai à les éliminer. Voyez-vous? Voyez comment la famille a grandi? Nous sommes plus de 2000 personnes. Ils profitent de ces enseignements. Ils résolvent, ils font tout pour résoudre leurs problèmes. Il y a certains qui se confient à moi. Les enfants qui sont fous dans les rues. D'autres, les femmes qui n'arrivent pas à faire d'enfants. D'autres, ainsi de suite, qui ont été consultés par certains marabouts, escroqués. Chacun vient avec son problème et il trouve des solutions. Et vous, vous venez gaspiller ça pour dire que c'est maintenant vous. C'est maintenant vous qui vous présentez à mon nom. Ne le faites plus, s'il vous plaît. Ne le faites plus. Donc, j'ai fait une déclaration que je vous prie d'écouter attentivement. Cette déclaration, elle est dans mes forums. Je vous prie donc de faire passer ceci tranquillement, de bouche à oreille. Que les gens soient sensibilisés et comprendre que votre humble serviteur est vraiment mécontent. Là, j'avais dit je ne veux plus faire des lives. Là, j'avais dit je ferai seulement des pré-enregistrements. Vous êtes en train de me pousser au découragement total. Je le répète que j'ai gardé le silence pendant plus de 43 ans, 44 ans. J'ai gardé mes secrets à moi. Au Gabon, les gens soupçonnaient que j'étais un sorcier, ceci, cela. Mais ils ont vu seulement le mauvais côté, alors qu'en réalité, je ne suis pas une mauvaise personne. Ceux qui m'ont traité de sorcier, ce sont les gens qui ont voulu m'attaquer. Et je les ai tués. Voilà. Je n'ai pas utilisé une arme. Comme ici aux États-Unis où j'ai plein d'armes. Non, non, non. Je parle de la mort mystique. Donc, arrêtez de jouer avec l'esprit de M. Moreo Nouvier, Apoutoukouadou, Makamouna, Bikalu, Bambayan de Bourou, Nigongo, Ralikiona Mombaro, Romba, Rabambo, Rabiloye. Non, s'il vous plaît, ne le faites plus. Je vous parle gentiment. Les apparences sont trompeuses. Je vous veux seulement le bien. Donc, quand j'ai ouvert ces histoires-là, c'est pour votre bien. Je choisis ce qui est bien. Mais quand vous voulez me provoquer, quand vous voulez me poignarder, vous faites très attention. Faites très, très attention. Donc, ce n'est pas bon. Je suis venu pour vous porter ce conseil. Et voici ce que j'ai dit. Et j'assume ce que j'ai dit. Chers membres de mes forums, vous savez que tous les Africains, le peuple noir, ils ont applaudi, et là je parle de mon premier groupe qui a commencé avec nous, quand nous étions seulement autour de 700 personnes, ils étaient très contents. Et nous n'avions jamais eu d'incident. Oh, les femmes qui se plaignent qu'on les drague, ou les gens, les arnaqueurs, les gens qui osent voler mes photos de profil pour se présenter en mon nom. Voilà comment l'homme africain ne va jamais évoluer. Il y a un an, j'avais menacé de fermer tous ces forums et tout annuler. Vous m'avez supplié, vous m'avez dit non, maître, il ne faut pas le faire. Bien. Parce que, tout simplement, je suis trop gentil, mais apparemment, vous allez me pousser à être maintenant méchant. Méchant veut dire quoi? Je découvre finalement que c'est un réseau. Au vu de mes renseignements, j'ai mis mes services de renseignement en marche et on a découvert qu'il y a une bonne dizaine d'arnaqueurs qui se présentent en faux. Soi-disant, ils n'ont pas besoin de connaissances, mais qu'ils sont avancés, et ainsi de suite. Ils viennent dans l'intention de venir escroquer les gens. Ça, c'est la première information que mes services de renseignement m'ont donnée. Deuxième information, ça, je suis au courant. Je leur ai dit, mes avocats ont déjà mis la main dessus. Et Amazon a d'ailleurs interdit l'impression des livres qu'ils ont écrits sur des rites que moi, je viens diffuser. Les gens volent ces rites-là et vont les vendre comme des gâteaux et écrire des livres. Les personnes qui l'ont fait, il y en a deux au Cameroun, trois personnes au Bénin, et l'autre personne a enlevé vite le corps, mais nous avons également son contact du Burkina Faso. Il y en a certainement beaucoup comme ça parmi vous. Je respecte mes frères du Cameroun, Burkina Faso, Côte d'Ivoire et bien toute l'Afrique. Je vous remercie et je vous respecte. Mais vous savez, comme on dit, une dent dans la bouche, une dent pourrie, une seule dent qui est pourrie dans la bouche. On dira que toute la bouche sent, n'est-ce pas? Pour arrêter donc cette odeur, c'est de mes forums, alors j'ai diligenté une enquête sur les 2019 numéros de téléphone que nous avons. Je répète, 2019 numéros de téléphone. Nous ne rentrons pas pour entrer dans vos vies privées, mais nous rentrons pour pouvoir pouvoir attraper ce qui se passe pour mon identité, pour aller arnaquer les pauvres innocentes personnes qui veulent venir ici recevoir la connaissance. Je vous ai toujours averti que moi je suis aux États-Unis, ça fait plus de 20 ans. Je ne peux pas parler de ma vie privée, mais pour ceux qui me connaissent, j'étais un activiste politique parce que je suis réfugié politique. Je suis un ancien élu de mon pays d'origine. Donc, j'ai les services de renseignement américains sous mes fesses et j'ai les avocats. Tout ce que je fais, ils surveillent. Et vous là qui venez bêtement à vouloir arnaquer, utiliser mon nom, sachez qu'ils vous ont derrière vos fesses. Vous savez, l'Amérique contrôle le monde et vous le savez très bien que je ne suis pas parfois d'accord avec certaines choses. Quel que soit l'endroit où vous allez vous cacher, ne commettez plus cette erreur. Je vous avertis gentiment. Donc, premier avertissement, tous ceux qui sont des arnaqueurs, on a vos numéros de téléphone à notre portée. Draguer les femmes, là, ce n'est pas le but. Mon administrateur se permet tous les jours à se tracasser, à vous poster les objectifs de mes forums. Vous ne comprenez pas. Le sexe, voilà la maladie de l'homme noir, le sexe. L'escroquerie, l'argent facile. Vous osez enregistrer mes enseignements, mes audios que je fais passer ici, mes vidéos, vous les téléchargez sur MP. Vous les téléchargez, vous mettez des DVD. Et je connais ça, circule dans certaines villes du Cameroun, dans certaines villes de Côte d'Ivoire. Les gens m'ont saisi, ils m'ont envoyé tout cela. Vous trouvez ça normal? Et vous allez vous demander pourquoi vous allez être maudit pour le reste de votre vie? Eh bien, c'est ce qui vous arrivera. Et c'est ce qui vous arrivera. Parce que vous ne connaissez pas les esprits que moi avec qui je travaille. Vous ne connaissez pas les démons qui travaillent pour moi. Vous ne connaissez pas les entités ou les anges, ou comme vous appelez, les djinns. Vous pensez que je vais prendre le risque depuis près de combien d'années, depuis 2017, à venir parler au public comme ça? Si je ne suis pas moi-même autour, je n'ai pas autour de moi une armée. J'ai une armée, je vous informe, de plusieurs marabouts autour de moi aussi. Oui, j'ai des marabouts autour de moi. Si je veux vous faire du mal, je donne seulement un mot d'ordre à ces mecs et ils vont vous paralyser, vous tuer. Et je suis prêt à le faire. Parce que je ne peux pas concevoir que ce que moi je donne gratuitement à la sueur de mon front pour sauver mon peuple, pour éclairer le cheminement et l'éveil de la conscience, il y a certaines bandes de voyous qui viennent voler, qui viennent arnaquer. Maudit êtes-vous. N'osez plus utiliser mon nom. Vous ne connaissez pas mon nom. Vous ne savez pas là où il vient. Arrêtez cela. Parce que vous pensez que je viens faire des blagues? Je vous ai bien dit que les années précédentes, 2021 jusqu'à l'année 2022, j'ai tué 5 personnes. Je répète, 5 ont été tuées parce qu'ils ont voulu jouer avec mon esprit. Donc, faites très, très, très attention, s'il vous plaît. Voilà ma journée de silence. Elle est gâchée. Parce que je suis secoué depuis 2h du matin, alors que je fais des cas, des travaux que je suis en train de faire aux gens. Depuis 2h du matin. Mais vous, quel est votre problème? Vous ne savez pas que ça, c'est de l'argent maudit? Vous n'avez pas trouvé autre endroit pour trouver de l'argent? Vous venez arnaquer les gens, de paisibles citoyens, de paisibles peuples terribles. Tous ceux qui ont utilisé mon nom, tous ceux qui ont utilisé mes forums pour s'enrichir, pour arnaquer, pour vouloir écrire des livres, faire des enregistrements, vous tous, vous serez frappés très fort. Oui, mes entités, mes 47 génies du Gabon, Les 399 du Brésil, je ne parlerai pas sur de l'Inde. Je me chargerai une mission spéciale pour vous occuper de vous individuellement. Et vous allez très mal le payer. Mais je n'en dirai pas plus. Donc arrêtez cela. On n'est pas ici pour blaguer. On ne passe pas des journées à raconter des conneries et des vies privées ici pour emmerder les gens. On parle de vraies choses. On parle de l'esprit et des esprits. C'est le monde des esprits ici. On n'est pas là pour le monde des humains. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Et je vous ai prévenu. Je ne viendrai plus d'eux. Merci. J'espère que mon message a été clair. Ce message n'est pas tombé dans les oreilles des sourds. Ce message s'adresse à tous ceux qui viennent suivre mes enseignements avec de mauvaises intentions, qui viennent suivre mes enseignements en vue de saboter le travail que j'ai commencé, que nous avons commencé tous ensemble, parce que lorsque ce mouvement a été lancé en 2019 à travers mes forums, en 2017 à travers cette chaîne YouTube, le mouvement qui avait été lancé d'abord pour la protection de la plante sacrée qui se trouve chez moi au Gabon, l'iboga, et j'explique toutes les raisons. Quand vous allez vous abonner, pour ceux qui pour la première fois me suivent, pardonnez le ton, mais vous savez, toute société organisée, il y a toujours des canards boiteux. Pour vous qui me suivez pour la première fois, je vous prie de vous abonner pour découvrir l'abondance des enseignements qui sont disponibles. Mais vous comprendrez donc pourquoi mes ennemis, ces arnaqueurs, je les pardonne, que Dieu les pardonne. C'est ça ma force, le pardon. Mais derrière ce pardon, comme je l'ai dit, 5 personnes ont été tuées. Et quand je parle de tuer ici, ne prenez pas cela hors contexte. Je n'ai pas pris une arme pour tuer quelqu'un. Non, non, non. Ce sont des morts bizarres. Parce qu'ils ont voulu rentrer dans mon esprit pour savoir qui je suis, qui suis-je. Vous savez, l'homme noir est toujours jaloux. Donc, mystiquement et spirituellement, ils ont été frappés par des morts bizarres. C'est cela. Ces morts dont je vous parle de 2021 jusqu'en 2022. Alors, chers amis, vous les arnaqueurs, voulez-vous être volontaires sur cette liste de ceux-là qui vont être frappés par des morts parce que vous voulez jouer avec la vie des personnes? 2019, ce sont des abonnés dans les forums. Bientôt 12 000 sur la chaîne YouTube. Près de 5 000 sur mes comptes Facebook. Près de 682 000 dans mon autre compte de CNA, de Caribbean Africa Network. C'est des millions de personnes à travers le monde qui me suivent, s'il vous plaît. Donc, je ne suis pas en train de blaguer. Je ne peux pas me permettre là maintenant risquer ma vie. Comprenez? Je peux bien garder tous ces pouvoirs et tous ces secrets pour moi-même et pour ma famille et les rendre heureux uniquement. Et je sais, il y a certains qui le font. Mais moi, parce que je suis trop bon, trop couillon, à cause de l'amour que j'ai du prochain, à cause de l'esprit de l'altruisme, je viens vous donner des choses gratuitement et vous voulez en abuser. J'espère que ce message n'a pas de loin ou de près insulté quelqu'un. Maintenant, ceux qui se sentent concernés, il n'est pas trop tard de vous justifier. Mais désolé, parce que j'étais obligé de vous enlever définitivement de tous mes forums. Et je n'empêcherai pas mes services secrets de surveiller de loin et de près tout ce que vous faites dans mes forums. Vous ne pouvez pas vivre en tant que réfugié politique ou exilé politique dans un pays tel que les États-Unis sans pourtant qu'on surveille ce que vous faites. Ils se sont même posé des questions, pourquoi j'ai arrêté la politique depuis 2018, pourquoi j'ai arrêté? Je leur ai dit, je n'ai aucun problème avec le régime en place au Gabon. Et d'ailleurs, tous m'aiment beaucoup, je vous informe. Quand ils m'aiment beaucoup, je ne vous ai pas dit qu'ils m'ont acheté ma conscience, non. C'est parce qu'ils connaissent. Ils connaissent la valeur de ma personne. Ils savent que quand je parle, je ne suis pas là pour insulter les gens. Bon, bref, ça, c'était mon passé en politique. Donc, aujourd'hui, ces services de renseignement suivent ce que je fais ici. D'accord? Donc, je n'ai insulté personne. C'est mon droit de pouvoir vous avertir, de pouvoir vous parler, vous porter conseil, vous sensibiliser que cette affaire-là, elle est sérieuse. Cette affaire, elle est sérieuse. Je ne me suis pas usurpé un pouvoir quelconque ou volé les pouvoirs de quelqu'un. Non, ça, ce sont mes pouvoirs à moi que mes ancêtres m'ont donné. Ce sont mes pouvoirs à moi, à travers les 28 initiations que j'ai reçues ou que j'allais recevoir à gauche et à droite. Ça n'engage que moi. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas vous qui allez tenter me tuer. Il n'y a que le Dieu suprême, Teta Mwanga, Tiwanga Mwanga, le seul, celui, la même, qu'on dit chaque jour de notre vie, lorsque vous vous réveillez le matin, merci, je le jure, je ne servirai que toi. C'est lui seul que vous devez jurer. Je le jure, je t'adore. Comme le disent mes frères musulmans. Ashhadallah, la ilallah, Muhammadun wa rasulullahi. Ashhadallah. Allahumma salli sayyidini Muhammadun wa rasulullahi. C'est cela. On fait un juron avec le Dieu suprême et vous ne connaissez pas la relation que j'ai avec lui. Vous ne connaissez pas la relation que j'ai avec toutes ces entités ou tous mes fratères à travers le monde. Et vous osez vouloir perturber le travail que je mets en place. Et pourtant, beaucoup d'entre vous, vous profitez. Vous recevez ces enseignements gratuitement. Certains parmi vous, j'ai fait des consultations même gratuitement. Ça ne vous suffit pas. Bref, j'espère que vous avez compris. D'ici là, portez-vous bien. Et tout en espérant que vous n'allez plus répéter ces bêtises, sous le sceau du serment que j'ai juré, c'est un serment qui me recommande de ne faire le mal uniquement quand c'est nécessaire. Et malheureusement, je serai obligé de l'appliquer si vous tentez de me faire le mal. D'ici là, portez-vous bien. Que Tata Manga nous bénisse. Que Dieu nous déverse ses grâces. Et de grâce une fois de plus. Mes détracteurs, là, vous qui me suivez partout, là, je ne veux pas entendre les commentaires. Je ne veux pas voir vos commentaires. Ne venez même pas suivre mes vidéos. Je n'ai pas besoin de vous. J'ai besoin simplement de tout noir, embrigadé dans les religions imposées par les Blancs, de venir apprendre certaines choses au travers de ma humble personne. Parce que ce que je viens vous transmettre vient de mes ancêtres, vient aussi de certains frères qui sont des initiés à travers la planète, pour ne pas dire à travers notre pays, continent, l'Afrique. Mais eux, ils n'ont pas la bouche facile comme Moïse, ils n'arrivent pas à bien parler ou à beaucoup parler. Et c'était pas à beaucoup parler, mais c'est-à-dire à dire les choses. Ils n'ont pas ce don. Alors ils se chargent, moi, de venir vous transmettre. D'accord? Si vous trouvez que c'est bon, vous prenez, vous faites votre syncrétisme, que ce soit chrétien ou musulman. Si vous trouvez que c'est pas bon, ça sert à rien d'ouvrir la bouche et raconter des conneries, des choses que vous ne maîtrisez pas. Soyez tous bénis. D'ici là, portez-vous bien. Nous allons clôturer par notre belle mélodie habituelle. Thank you. Merci encore. Merci, merci, merci, merci. Et bonne journée. Merci. Merci. Merci.